partir dans la nature sans fortune, au clair de lune, que restera-t-il de moi après l'exil? Rien ne dure, non, rien ne dure, que je disparaisse.